On part. Fait que d'abord, Sandy, il faut que je m'excuse parce que ce matin, tu nous as invités à nous décharger de nos soucis. C'est comme ça que tu as commencé. Et moi, je vais commencer en disant, on va se faire une petite demi-heure d'inquiétude. OK? Fait que c'est correct, hein? On a commencé par enlever ça, on va le ramener un petit peu. OK? Correct? Donc, c'est ça. Fait que avant, j'aimerais juste qu'on prie et puis on va voir comment ça va aller après. Seigneur, je te demande ta présence. Je te remercie pour ta présence. Je demande ta grâce. Je te remercie pour ta grâce. Je te loue parce que tu es Dieu. Seigneur, fais que tous ici comprennent, reçoivent que tu es Dieu. À toi la gloire pour l'éternité. Amen. Fait qu'on va s'inquiéter un peu. On va s'inquiéter du prochain gouvernement, possiblement péquiste sous Pauline Marois. On va s'inquiéter des nouvelles rentrées scolaires. Il y en a quelques-uns qui vont rentrer à l'école, là, puis ils vont sûrement se poser la question si les profs vont être cool, si les étudiants vont pas les écœurer un peu trop. Ils vont-tu réussir l'école ou pas? Ils vont-tu avoir les classes qu'ils voulaient? Ils vont-tu avec qui ils veulent, et ainsi de suite? Donc, ils vont s'inquiéter. Certainement, on va s'inquiéter de la rentrée scolaire. On va s'inquiéter aussi de notre prochaine évaluation patronale, hein? Notre boss nous fait des évaluations. Hein? Et les profs, inquiétez-vous, si c'est la CAQ qui rentre au pouvoir, vous allez aussi avoir des évaluations. Donc, inquiétez-vous, vous aussi. Moi aussi, je m'inquiète tout le temps comme ça de mes évaluations. On va aussi s'inquiéter de notre santé, la santé de nos parents, la santé de nos époux et épouses. On va s'inquiéter, savoir si Sandy va perdre sa jambe ou pas. On va s'inquiéter de tout ça. On pourrait aussi angoisser. Parce que l'inquiétude porte pas toujours à l'angoisse. Mais là, on va amener ça un petit peu plus loin. On va angoisser. On va angoisser parce que on va se faire taxer plus. Puis là, je sais pas si je vais avoir assez d'argent pour payer mes affaires. On va angoisser parce que mes parents sont malades et puis qu'il y en a un de mourant. Je sais pas, mon emploi est assez précaire et puis je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ça m'angoisse. Sérieux, on va angoisser parce que je vais échouer à l'école aussi. J'ai vu mes notes et puis c'est pas sûr. Et puis, ça m'angoisse terriblement. Il y a une liste, là, je pourrais vous en nommer. On pourrait passer la journée. Hein? Quand je suis devenu chrétien, je m'angoissais comme ça, je m'inquiétais. Puis un de mes amis, à un moment donné, celui d'ailleurs qui a contribué à m'introduire, à me présenter Jésus, il m'a dit un jour, il dit « Qu'est-ce que t'en penses si on se faisait une bonne journée d'inquiétude? » Je dis « T'es bien niaiseux, toi. » Ben, il dit « C'est ça que tu fais la journée longue, on pourrait faire ça ensemble. » Mais non, c'est ça, mais on en a une liste de choses. On les donne à Dieu ou on les garde pour nous. On s'inquiète et on s'inquiète pour plein de choses. L'angoisse est compliqué. Ça vient nous ronger à l'intérieur. Les jeunes angoissent à savoir s'ils vont avoir un conjoint ou non. Et les hommes et femmes mariés angoissent à savoir s'ils vont rester ensemble ou non. Hein? Il y a toutes sortes de choses qui nous font stresser dans la vie. Hein? C'est angoissant, hein? Ben oui, moi je stresse parce que j'angoisse, puis j'angoisse parce que je suis stressé. J'ai envoyé un tweet il y a un mois peut-être de ça qui disait ceci. L'angoisse est une projection dans l'avenir de nos échecs et expériences passées. Vivre dans la sagesse, c'est vivre aujourd'hui avec Dieu. Son nom est Je suis. Pourquoi s'angoisser? À quoi ça sert de stresser? Est-ce que je vais réussir? Je vais-tu y arriver? Le combat, il est trop fort, il est passé. Je ne sais pas. Il y a toutes sortes de choses qu'on se pose. Hein? On rumine ça. Puis là, on arrive à la maison. Prendre mon bain, c'est... On est à la maison, tout seul. dans notre petit coin, on regarde la TV ou on joue à Xbox, en mon cas, dans un et demi. Puis là, je m'en fais. Hein? Puis là, je m'en fais. Puis là, la tentation, c'est pas vraiment une tentation, là, le réflexe, c'est ça que je veux dire, va être de prier, puis c'est correct, hein, de vouloir remettre ça à Dieu et de prier. Puis là, je vais appeler un ami, hein, pour y dire. Mais des fois, les angoisses que j'ai sont causées par quelqu'un d'autre. Ou c'est les angoisses que quelqu'un devrait avoir, mais pas moi. Hein? C'est, hein, moi, je reçois des appels des fois. Tu peux-tu prier pour telle personne? Il se passe ça dans sa vie, tu sais. Puis ça te regarde en quoi? Des fois, j'ai envie de répondre ça. Je le dis pas. Donc, mais c'est ça. Donc, des fois, on stresse pour les autres aussi parce qu'on a passé dans notre propre vie. Donc, on prend ceux des autres, on les met sur nous, sur nos épaules. Puis là, on se promène comme ça, chargé. Hein? C'est lourd. La vie est compliquée. Vendredi dernier, à notre groupe, il y avait une nouvelle personne. Une femme charmante, remplie d'angoisse. Elle a commencé la soirée, elle a leadé toute la soirée, hein, elle a pris toute la place, on lui a donné, on lui a laissé, mais elle a commencé en disant, moi je suis frustré après Dieu parce qu'il a pris mes parents. Mais il a 88 ans ton papa, c'est normal qu'il s'en aille, tu sais. Donc ça fait 20 ans que tu en prends soin puis tu aides, tu l'aides à la maison. Ça fait 20 ans que tu dois savoir qu'il va s'en aller, là, hein? Mais elle angoisse pour ça. Elle angoisse pour son fils et ainsi de suite. Toutes sortes de choses qui la fait stresser. Et c'était extraordinaire parce qu'on lisait ce psaume merveilleux que je vais vous lire aujourd'hui. OK? Bon, il faut que vous sachiez ceci. Sandy lit beaucoup mieux que moi, même si elle a un accent. OK? Moi, je lis, j'ai de la misère à savoir c'est quoi une virgule et un point. Ça fait que... Essayez de, si vous voulez tourner vous-même, il y a des Bibles derrière, c'est le psaume 90. La chose, c'est que je vais lire dans une version différente, donc je lis dans la Sommeur. OK? Ça dit ceci. Oui, Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes, et que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité, et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passe et qui le soir se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassaisis-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, plein d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, en années de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu repose sur nous. Fais reposer prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Pendant que j'étudiais, que je cherchais à comprendre un peu plus ce psaume, je suis tombé sur un site juif qui expliquait le psaume. Premièrement, il faut savoir, hein, ça commence, le premier verset, si vous l'avez lu, c'est écrit « Psaume de Moïse, homme de Dieu ». OK? Les psaumes sont généralement attribués à David, pas à Moïse. C'est le seul dans tout le psautier, dans tout le livre des psaumes, qui est attribué à Moïse. La tradition nous dit qu'il aurait écrit ça au moment de s'en aller, à la fin de sa vie. Hein? Donc, c'est comme sa louange, sa prière d'au revoir. À la fin de sa vie, il a écrit ce psaume. Ce qui est merveilleux, quand je lisais le site juif de l'explication du psaume, c'est que je me suis rendu compte que la valeur qu'il donnait à ce psaume est l'équivalent de la valeur que nous donnons, nous, en tant que croyants, au Notre Père. Il prie le psaume 90 comme nous prions le Notre Père. Fait que, j'ai dit, ben comparons-les. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a de similitude, qu'est-ce qu'il y a de pareil entre les deux. Et je me suis rendu compte que les deux sont pareils. Les deux disent la même chose. Moïse est beaucoup plus long que Jésus. Jésus est très incisif, tranchant. Il y a 10 versets. C'est tout court. Alors que Moïse est un peu plus long. Mais c'est intéressant. La première chose qui est intéressante, les deux commencent par la même chose. Que tu sois Dieu, tu es Dieu. Moïse dit, de toute éternité, tu es Dieu. Jésus dit que tu sois reconnu pour Dieu. De notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu pour Dieu. Moïse dit, tu as été un refuge d'âge en âge, avant que soient les montagnes, que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité, toi, tu es Dieu. Tous les deux, Moïse et Jésus, savaient qui était Dieu. De tous les êtres humains qui ont marché sur la terre, ce sont les deux seuls qui ont vu Dieu face à face. Ce sont les deux seuls qui discutaient directement avec Dieu, pas par des songes, pas par des visions, mais face à face. Dieu a dit à Myriam, la sœur de Moïse, et à Aaron, lorsqu'il se plaignait du leadership de Moïse, Dieu leur a dit, « À qui est-ce que je parle face à face? » De tous les prophètes, à tous les prophètes, je leur parle en songe et en vision. Lui se présente devant moi. Vous ne pouvez pas dire ce que vous dites là. Et on sait qui est Jésus. Hein? Donc, c'était pour moi là un wow. Il me semble que j'avais fait une découverte. J'ai pas vu de commentaires qui faisaient ce genre de choses-là. Donc, je me trouvais inspiré. Le verset 3 du psaume dit, « Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Moïse, et on va, si on parle du verset 3, aller jusqu'au verset 11 dans le psaume, Moïse parle de la réalité, les deux pieds plantés bien comme faux sur un sol où il a vu 1 million de personnes mourir en 40 ans. C'est à peu près ça le chiffre du nombre de Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et aucun d'eux n'a pu voir la terre promise. Et Moïse est à la fin de sa vie, c'est le dernier qui va mourir de cette lignée de gens avant d'entrer en terre promise. Il a vu environ 1 million de personnes mourir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il connaissait tous un à un puis qu'il pouvait les appeler par le petit nom, là, OK? Je pense pas, mais comptez-le, là, 40 ans, 365 jours, ça fait combien de morts, ça, par jour? Ça en fait du monde. Beaucoup de gens qui partent. Les deux pieds ancrés bien comme faux dans la réalité, la vie est difficile. La vie est dure. Ça va pas être facile. Les joueurs de hockey, c'est ça? Il n'y en aura pas de facile. Hein? Okay. Bérangère, quelle est la première phrase que je t'ai dit quand tu es venu au monde? Répète-les plus fort, les gens n'entendent pas. Elle s'en souvient pas, là, j'y ai répété après. Bienvenue dans ce monde difficile. Scott Peck, dans Le chemin le moins fréquenté, la première phrase de son livre dit « La vie est difficile ». Et c'est vrai. Ceux qui trouvent que la vie est facile, inquiétez-vous pas, ça va vous faire mentir à un moment donné. OK? C'est sûr que la vie est difficile. Ça fait partie. Maintenant, est-ce que la vie, elle est là pour qu'on souffre? Quelqu'un vendredi a dit « C'est sûr que la vie doit être là pour qu'on souffre parce que moi, je souffre depuis que je suis né. » Donc, puis il était rendu quand même autour de 50 ans. Fait que ça fait quand même un bon bout de temps là qu'elle n'arrache. OK? Et elle ne croit pas que le bonheur soit possible. Puis elle nous disait qu'elle croyait qu'il n'y avait personne ici, dans notre petit groupe, qui pouvait vivre, d'être heureux à tous les jours et vivre le bonheur à tous les jours. Puis je la comprends si elle souffre depuis 50 ans. La vie est difficile. Moïse a deux pieds sur terre. Jésus, la différence, c'est que lui, il parle d'une nouvelle réalité. Quelque chose qui vient apporter. Il vient donner, faire un legs, nous donner quelque chose de magnifique, de merveilleux, ça s'appelle le royaume de Dieu. Et là, il nous donne le royaume de Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ici, sur la terre, dans la réalité de Moïse, telle qu'elle est au ciel, dans ta réalité, Seigneur. Que tout ce que je fais soit attaché comme elle est au ciel. Ça fait quand même une bonne différence. Je vais vous lire un texte dans l'Ecclésiaste. C'est pas un texte. L'Ecclésiaste, on ne lit pas ça souvent. Je pense pas en 25 ans de vie chrétienne que j'ai entendu une prédication sur l'Ecclésiaste. Mais ça fait rien. C'est un texte merveilleux. Je vais vous lire la conclusion de l'Ecclésiaste. Okay? Quelqu'un m'a dit cette semaine, l'Ecclésiaste, c'est le texte d'un roi en dépression. Je trouvais ça intéressant. c'est pas ça. C'est très, en tout cas, il était très réaliste s'il n'était pas en dépression. Je vais vous lire la traduction de la français courant. Je trouve qu'elle donne une meilleure interprétation que les autres textes là, qui disent « jette ton pain à l'eau ». Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Donc, ce texte-là dit ceci. « Engage-toi dans une affaire. Même en courant des risques, un jour, tu peux y retrouver ton compte. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Quel que soit le côté où un arbre tombe, il reste là où il est abattu. » Ça, c'est comme quand il fait noir, on voit rien. Tu sais, c'est, hein, c'est, ben oui, tu sais, c'est, l'arbre tombe là, il va rester là, tu sais. Ouais, bon. Quand les nuages sont gonflés d'eau, il se met à pleuvoir. Bon. C'est l'ancêtre des météorologues. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte. Tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. C'est pourquoi sème ton grain dès le matin et jusqu'au soir n'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira ou si tu tireras profit de toute ton activité. La lumière du jour est douce à voir et il est agréable d'être vivant. L'être humain doit se réjouir de chaque année qui lui est donnée, même s'il vit longtemps. Rappelons-nous qu'il y a toujours assez de jours sombres, car l'avenir est incertain comme la fumée. Fait que là, on est rendu à Salomon. À mon avis, il doit l'avoir lu, le psaume 90, quelquefois. La troisième partie du psaume 90, c'est une partie où on annonce la repentance, où on demande la repentance. Qui peut connaître l'intensité de ta colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse, afin de résider au cœur de la sagesse, une autre traduction. Les textes sont compliqués à ce moment-là. Dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. L'expérience de repentance, c'est l'expérience qui est au cœur de toute expérience de foi, qu'elle soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de reconnaissance de « moi, je suis pas capable, puis lui, il peut tout », hein, c'est ça la repentance. C'est de « moi, j'ai essayé par moi-même, j'ai tout fait, puis j'y arrive pas. Seigneur, occupe-toi-en. Prends donc ça. » Mon ami Raymond appelle ça le lâcher-prise. Hein? Laisse donc aller. C'est correct, ça va aller. T'en fais pas. On en a parlé de long en large vendredi, de lâcher-prise et d'expérience de comment ça a bien tourné lorsque on laisse aller et comment ça tourne mal quand je m'en occupe. Là, je parle de moi. Là. Okay. Donc, c'est encore une chose extraordinaire dans le psaume 90 que Moïse invite à reconnaître la grande puissance de Dieu qui nous donne et que Jésus nous donne aussi cette expérience à vivre. Vivre dans le royaume de Dieu, ça veut dire vivre maintenant. Ça ne veut pas dire vivre demain, ni vivre hier. C'est vivre maintenant, profiter de l'instant présent. Moi, je ne peux pas faire autre chose que de triper de vous voir ici, aujourd'hui. J'aurais pu m'en faire, puis dire, il va y avoir trop de monde, ça ne marchera pas. Hein? On pourrait se dire la même chose pour dimanche prochain, c'est chez Sandy. Hein? Puis dire, ben là, si on est plus que 30 puis qu'il se met mouillé, on va vraiment avoir des problèmes. Tu sais? Non, non, ça, Seigneur, il s'arrange avec ça. C'est lui qui connaît ça. Pourquoi est-ce qu'on s'en ferait? Parce que si on s'en faisait, on ne l'organiserait pas. Hein? Correct? Hein? C'est sûr. Hein? Donc, ça ne sert à rien. De toute manière, il va mouiller. Hein? Puis là, on pourrait regarder la météo aujourd'hui pour dimanche prochain, puis on se rendrait compte qu'il annonce la pluie. Fait que là, c'est sûr qu'on annule. Mais qui nous dit que la météo est fiable plus que 10 heures en avance? T'sais? Donc, fait que 10 heures en avance, si on l'organise, on l'annulera pas. Fait qu'il faut que vous veniez. C'est tout. Okay. Alors, c'est ça. On peut tout le temps s'en faire. Il y a toutes sortes de choses lorsqu'on projette dans le futur nos expériences passées. Et les mauvaises expériences, hein, parce que quand on projette dans le futur nos expériences positives, c'est magnifique, on n'angoisse pas. C'est génial, mais on fait rarement ça. Hein? On projette plutôt ce qui s'est passé de pas bien dans notre vie. Ah, ben là, moi, j'ai eu telle expérience, ça marchait pas. J'ai fait telle affaire, ça marchait pas. Puis là, ben, demain matin, je vais... Hein? Les couples, comment ça marche dans un couple? Hein? Dans un couple, ça se dit ceci. Je te l'ai pas dit parce que si je te l'avais dit, tu m'aurais répondu ça. Hein? Ça, c'est... instantané, c'est tout le temps comme ça. Jusqu'à ce qu'on réussisse à passer le 20 ans là, de vie commune. Okay. Là, elle ne pose plus la question, elle sait que c'est ce qu'on fait. Non, ça change, mais non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que on est en train de dire le Saint-Esprit ne travaille pas dans ta vie. Donc, j'anticipe déjà la réponse et ce que tu vas faire, alors je prends le contrôle. C'est moi qui s'en occupe. OK? On fait ça tout le temps. Que ce soit au travail, avec nos collègues, avec nos enfants. Ben non, ça sert à rien que je te le demande. De toute manière, tu vas me dire non. Ça sert à rien que je te demande de faire ça. De toute façon, tu vas le faire tout croche. T'as déjà entendu ça, Bérangère, hein? OK. Correct, hein? Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Puis là, je suis le premier, là. Hein? Non? Plus toi. Plus. Non, tu fais... Non, c'est fini, là, maintenant. Elle est arrivée. Ça, c'est l'erreur de croire que le Saint-Esprit ne travaille pas dans la vie des gens autour de nous, qu'ils soient ou non attachés à Dieu. C'est mon patron, qu'il soit croyant ou non. Si je prie pour lui et que je prie pour une situation, pourquoi est-ce que je n'irai pas le voir pour lui demander? J'ai un problème, là, un manque de foi. Je vis beaucoup trop dans la réponse qu'il m'a donnée la dernière fois que je lui ai demandé. Et je la projette. Puis là, des fois, c'est pire parce que là, on angoisse avec tout ça. Puis là, l'angoisse, là, c'est quelque chose qui nous ronge. Hein? C'est comme un cancer, une rouille sur un bout de métal, mais accéléré. Hein? C'est comme trempé dans l'acide du fer. C'est impressionnant la vitesse à laquelle quelqu'un peut devenir tellement dysfonctionnel quand il est angoissé. Hein? Les psychologues appellent ça des crises d'angoisse. Hein? C'est fini, c'est dysfonctionnel. Couche-toi et reste là, bouge pas, parce que de toute façon, tu peux rien faire d'autre. Okay? Après l'angoisse, vient la psychose. Hein? C'est à peu près là, l'étape qui va suivre. Là. Hein? On est en train de virer fou quand on angoisse. Maintenant, je dis pas que c'est facile, qu'est-ce que je dis là. Je suis pas quelqu'un qui angoisse facilement, donc c'est difficile. Mais je vis avec des gens qui angoissent, et puis je les vois, puis je trouve pas ça nécessairement simple pour eux de pouvoir contrôler ça. Ok. Donc, mais ça reste quand même que là, Moïse et Jésus nous disent remets ça, vis maintenant, tout de suite là, juste là. Annie, elle nous a dit vendredi qu'elle lave sa vaisselle en disant « Oh, quelle est belle cette assiette! Wow! » Bon, elle ne doit pas laver mes assiettes. Quoique, c'est pas vrai. Okay. Donc, hein, l'instant présent, profitez de maintenant. Qu'est-ce que ça dit encore? Rends-nous jour pour jour. Excuse-moi, rends-nous en jours de joie, les jours de nos épreuves, en années de joie, nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Parce que c'est à toi qu'appartient le règne pour les siècles des siècles. Règne dans la vie des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Le royaume de Dieu s'est approché. Qu'est-ce que ça veut dire aller annoncer aux gens le royaume de Dieu s'est approché? Ça veut dire, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, sois réconcilié avec Dieu. C'est une supplication, quelque chose qui est au cœur même de Jésus sur la croix, qui dit à tous qui le regardent, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça le règne de Dieu. C'est pas un règne comme un roi, comme les Juifs peuvent l'attendre, quelqu'un qui prend le contrôle, un dirigeant qu'on va élire le 4 septembre. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui se passe en moi. C'est moi qui décide de donner à Dieu la place au lieu de moi prendre le contrôle. Je termine avec ça. Dans la vie, je peux décider de vivre la vie que j'ai choisie pour moi, ou bien non, décider de vivre la vie qu'il a prévue pour moi. Si je me réconcilie avec Dieu, par quelque moyen que ce soit, là, fais ce que tu veux, dans ton bain, assis sur la toilette, ou bien non, debout dans le bois, les bras dans les airs, à genoux, couché dans un lit de fourmis, fais ce que tu veux, réconcilie-toi avec Dieu. Et tu vas voir ta vie commencer à prendre un tournant nouveau. Tu vas voir ta vie commencer. Maintenant, ce n'est pas instantané. Il y en a qui arrivent, là, paf, tout de suite. Ça change. Tire le bric-à-bras, fin 380, on s'en va sur l'autre bord. Tu sais, hein? Il y en a qui font ça. Il y en a qui font, hein, on prend la prochaine sortie, on passe par-dessus l'overpass. En prochaine autoroute, on s'en va par là. Puis des fois, la sortie qui est là ne nous amène pas sur l'autoroute. Hein? C'est ça, donner sa vie à Dieu. C'est de décider que c'est lui qui est au contrôle et que moi, je veux m'aligner avec ce qu'il a choisi pour moi. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Parce que c'est pas la première fois. Si vous avez déjà mis les pieds dans une église à caractère évangélique, hein? Vous avez déjà entendu ça, ce que je dis là. C'est pas la première fois, là, que quelqu'un vous dit, donne ta vie à Dieu. Hein? C'est comme, à mon avis. Si c'est la première fois, amen. Écoute. Si c'est plus qu'une fois, puis tu l'as pas fait, écoute. Si tu l'as déjà fait, puis tu te demandes pourquoi ça marche pas, peut-être que ton attitude, elle est « c'est moi encore qui est au contrôle ». Souvent, le problème, c'est « j'ai essayé, ça ne marche pas ». puis on arrête. On arrête cela. Parce que j'ai essayé hier, pourquoi je réessayerai aujourd'hui? Hier, je me suis pété la fiole. J'avais cette conversation-là avec Bérangère hier, bizarrement. Puis j'ai dit, sais-tu combien de fois Addison a fait d'essai avant de trouver le filament qui donne la lumière? Ampoule électrique. Hein? C'est un petit peu plus de 200. Hier, j'ai dit 2000, mais de toute manière, le montant est bien trop gros. Ça ne change pas grand-chose. Mais c'est autour de 200, si je ne me trompe pas, là. Mais, rendu à 150, là, il aurait bien pu dire au Yob, hein? Je suis tanné, OK? Ça ne marchera pas. Mais non, à 150, il a encore dit j'ai trouvé une autre manière que ça ne marche pas. Hein? C'est tout. À 199 aussi, il a dit ça. Hein? Puis à 200, il a trouvé. Il a persévéré. Il est resté là. Son attitude était, je le sais que ça marche. C'est juste que je sais pas comment. Hein? C'est souvent ce que je dis à mes enfants. Non, non, non. Tu le sais. Comment je dis ça d'habitude? C'est, inquiète-toi pas. Tu veux, mais c'est parce que tu le sais pas. Hein? Non, non, ça marche. C'est juste que tu le sais pas. Hein? Un ordinateur, les gens m'appellent, ça marche pas, mon ordinateur. Ben oui, ça marche. C'est juste que tu ne sais pas comment ça marche. C'est tout. OK? C'est mon métier. C'est normal que je cherche comment ça marche. Moi, je ne sais pas comment l'être humain marche. Les psychologues, ils savent, eux autres. Hein? Donc, c'est comme ça. Mais, c'est ça. L'attitude. Est-ce que je sais aujourd'hui que ça marche? Est-ce que j'ai foi? Tu peux tout par celui qui est en toi, qui te fortifie. Et si je peux tout. Hein? L'autre chose. Ma manière de voir l'avenir, hein, l'attitude aujourd'hui, ça marchera pas, je l'ai fait hier, ça marchera pas. Ma façon de voir l'avenir, hier ça marchait pas, demain ça marchera pas plus aujourd'hui. Donc, ça change rien. Ma manière de voir l'avenir, de projeter dans l'avenir, mes expériences passées, négatives, fait que ça marche pas. Et mes méthodes, je le fais moi-même. Tasse-toi. Moi, je suis un task-oriented, hein. Donc, il y a deux types de leaders, de patrons. Si tu vas au HEC, ils appellent ça des patrons. C'est ceux qui sont orientés vers la personne et ceux qui sont orientés vers la tâche. Ceux qui sont orientés vers la personne, ce qu'ils veulent, c'est prendre soin de la personne. Ils veulent s'assurer que la personne, elle est dans tout son bien et ainsi de suite pour accomplir la tâche qu'elle doit accomplir. Mais la tâche, en bout de ligne, c'est secondaire. Les autres, des gars comme moi, on est orienté vers la tâche, le résultat. C'est ça qui est important. Peu importe qu'est-ce que tu fais, dans quel état tu le fais, fais-le. C'est tout. OK? Correct? Donc, si tu dois courir le mille avec un pied amoché, cours-le, c'est tout, là. Arrête de t'asseoir, puis vas-y, tu sais. C'est ça, quelqu'un qui est task-oriented, hein? Prends pas soin de la personne. La personne a peu d'importance. Moi, j'étais comme ça. Je suis naturellement comme ça. OK? Et je dois m'efforcer. Dans ma job en tant que gestionnaire avec mes employés, dans mon travail quotidien, que je gère des bénévoles ou des gens à salaire, je dois toujours me rappeler que la personne est plus importante que la tâche qu'il accomplit. Tout le temps. Mon attitude m'a le faire m'en occuper. Je suis au contrôle. Je le sais comment. Tasse-toi. Je vais le faire. Ça, l'attitude, ça nous gruge aussi. Ce qui fait que c'est difficile pour nous de donner notre vie à Dieu complètement. La donner à Dieu complètement, c'est lui donner mes finances, mes enfants, ma maison, mon travail, ma vie, ma santé. Et tout le reste. Pas juste un peu. Tout au complet. Donc, j'avais prévu que ce soit plus une discussion, mais il y avait un petit peu trop de monde pour qu'on le fasse en mode de discussion. On a un 10-15 minutes juste pour avoir vos retours. On appelle ça prédication 2.0. Hein? Donc, je chatte et puis vous répondez. Donc, c'est à votre tour. Moi, je vais que répondre aux questions, mais il y en a d'autres qui sont aptes à le faire aussi. Donc, je vous laisse sur ça.